bébé. Aujourd'hui je m'occupe de toi. Maman est partie au boulot. Faut bien qu'elle ramène des pesos. T'inquiète, je suis un bon soldat. On ira manger des glaces, faire des baïtas de sourde. Faut que je travaille pour que tu mènes une belle vie. Je donnerai tout, même si le niveau est élevé. Je vois ma fille assaillie par la maladie. Je vois ta maman lâcher des lames dans un saladier. C'est un lourd fardeau qui me rend complètement sado. Ils disent avec le temps il faut qu'on s'aide. C'est un lourd fardeau qui me rend complètement sado. Sa maladie l'isole, elle va bientôt s'en aller. Oui, je suis mal, pas de toi de faire un mal. Sa maladie l'isole, elle est en train de s'en aller. Oui, je suis mal, pas de toi de faire un mal. T'étais dans mon cœur, où est-elle, aucune idée. Je marche tout seul, mais où je vais, aucune idée. Plus d'espoir dans ce monde et personne pour m'aider. T'étais dans mon cœur, où est-elle, aucune idée. Aucune idée, j'ai aucune idée. Aucune idée, personne pour m'aider. Aucune idée, j'ai aucune idée. Aucune idée, j'ai aucune idée. Ta voix c'était gagné au loto. Pareil que mon portrait photo. Que Dieu veille sur ma lionne et bénisse Vélioso. C'est bien dans mes bras que tu t'y sentiras le mieux. Contemple les étoiles filantes, ma vie fait un vœu. Souhaite-nous que la vie nous soit longue. Car ici plus rien ne compte. Pour ta mère et moi, pour ton grand frère et toi. Car le temps passé c'est bon et la vie donne des comptes. T'es la huitième merveille du monde. Tu nous le montres à chaque seconde. Et jusqu'à ce que le ciel s'effondre, je serai ton nom et du berceau à la tombe. Du berceau à la tombe. Du berceau à la tombe. Du berceau à la tombe. Ah ouh oh. T'étais dans mon cœur, où est-elle, aucune idée. Je marche tout seul mais où je vais, aucune idée. Personne pour m'aider. T'étais dans mon cœur, où est-elle, aucune idée. Aucune idée, j'ai aucune idée. Aucune idée, personne pour m'aider. Aucune idée, j'ai aucune idée. Aucune idée, j'ai aucune idée.